Chapitre 17. Un étrange château. Chaque jour, Ascander recevait un ou deux rapports des agents de la sûreté qu'il avait envoyés en mission. Aucun n'était satisfaisant. Verdo rentra. Il s'était attaché à Tokra Dazipal comme son ombre. Il avait vu partir le yacht. Germaine n'était pas à son bord. Enfin, un rapport de Bayeux l'informa qu'une puissante auto venait régulièrement, deux fois par semaine, faire des provisions de bouche. Cette auto était conduite par deux Chinois, un troisième Chinois faisait les achats. « Comme on dit que ce sont des Chinois, je n'ai pas pisté cette voiture, j'attends vos ordres. » Ainsi se terminait le rapport, court mais clair, comme on voit. « L'imbécile !» dit Ascander, « l'idiot !» Ce fut tout. Ascander ne perdait jamais son temps. Il monta immédiatement chez le sautaire, eut avec lui un entretien d'une demi-heure, et redescendit presque radieux. « Mon vieux, dit-il à Verdo, nous partons. »« Où ça ? » dit Verdo qui noircissait du papier à musique. « J'ai envie de vous montrer la cathédrale de Bayeux. C'est un très beau monument. » Verdo, que rien n'étonnait plus, poussa un soupir, rangea sa musique et dit « Allons. » « Oui, allez prendre un complet de voyage, mettez du linge dans une voiture, prenez votre revolver, deux lampes de poche, je vais en faire autant. » Et dans une demi-heure, ici, au trot. Verdo était déjà parti. Une demi-heure après, les deux hommes se mettaient en route à bord d'une puissante limousine. Ils arrivèrent à Bayeux au matin, justement un jour de marché. Ce ne fut qu'un jeu pour eux de découvrir l'auto qui venait aux provisions et de reconnaître que les prétendus Chinois étaient des Hindous, vêtus comme des gens de bonne maison et coiffés de casquettes. « Il s'agit de savoir d'où viennent ces gens-là, » dit Ascander. « Si les maraîchers de Normandie sont comme leurs sœurs parisiennes, » dit Verdo, « nous le saurons dans 5 minutes. » Les deux hommes observèrent de loin, et quand l'hindou eut rassemblé ses achats et quitté une marchande, Verdo s'approcha de celle-ci. Au bout d'un instant, il revint vers Ascander. « Ce sont des Chinois qui habitent un château près de la mer, par là. C'est tout ce qu'a pu me dire la brave femme. C'est plutôt vague comme indication, » ajouta-t-il. « Nous allons nous débrouiller, » dit Ascander. Une seule bonne route conduit à la mer, à Port-en-Bessin. Je viens de consulter la carte. En avant, vite. Rien ne vaut pour filer les gens, comme de les devancer. Ascander avait deviné juste. Il y avait à peine une heure qu'il roulait à pleine allure sur la route, uni comme un ruban, que Verdo, qui jetait souvent des regards derrière lui, dit « Voici l'auto ». Ascander maintint sa vitesse et continua de précéder l'autre voiture jusqu'à Port-en-Bessin. Là, en face d'un débit de tabac, il s'arrêta, pénétra dans la boutique, acheta une boîte de cigares et laissa l'auto mystérieuse prendre une certaine avance. On dépassa ainsi Saint-Laurent, Vierville-sur-Mer, et l'auto des Hindous, suivie par celle des journalistes, continua sa route vers Grand-Camp. Un peu après avoir dépassé Anglesqueville, l'auto, conduite par les Asiatiques, tourna sur la droite. Ascander fit « Ouf, nous y sommes !» Cependant, il dépassa ce point, toujours à la même allure, et s'arrêta devant la petite gare de Saint-Étienne-du-Mont. Là, l'employé du chemin de fer local les renseigna. Depuis plus d'une année, un richissime étranger avait acheté l'ancien domaine du Hoc, situé à l'extrémité d'une falaise, à l'ouest de Grand-Camp. Cet homme étudiait, paraît-il, les choses de la mer. C'était un grand savant, entouré de nombreux serviteurs qu'on ne voyait jamais. Ascander exultait. Il tira de cette brave femme tout ce qu'il put, et cela lui permit d'étayer assez fortement son opinion, à savoir que, enfin, il touchait au but. Cependant, il conservait encore des doutes, et tout en revenant à Vierville, où il voulait établir son quartier général, il en fit part à Verdo. « À mon avis, dit-il, il y a lièvre au gîte. Mais est-ce bien celui après qui nous courons? Je n'en doutais pas à Paris. Ici, depuis un instant, je suis singulièrement troublé, et je me demande pourquoi cette formidable association serait venue dans ce pays où elle se trouve en danger d'être découverte, dans ce pays où nulle action ne peut être cachée, car vous vous en rendez compte comme moi, si quelqu'un éternue dans le village, tous les habitants en sont immédiatement informés à la minute même. Oui, je vous avoue, mon cher Verdo, que je serais désolé, honteux même, d'avoir fait un pas de clair. Impossible, dit Verdo en s'arrêtant, pour donner plus de poids à ses paroles. Je suis plus confiant que vous-même, et j'ai pour cela deux raisons. La première est que je vous connais. La seconde est qu'avant de s'établir ici, ces gens n'ont pas manqué d'adresse. Rappelez-vous la lettre volée d'Edgar Poe, et convenez avec moi que seuls sont découverts ceux qui croient se cacher. En tout temps, en tout lieu, on a pris ceux qui ne s'offraient pas à la prise. Les autres, on ne les a même pas soupçonnés. C'est pourquoi, à mon avis, il reste tant de crimes impunis. Oui, vraiment, je crois que nous tenons le bon bout. Sinon, tout le peloton du fil. Escander venait de subir une minute de découragement. Les paroles de Verdot le remirent d'aplomb. D'ailleurs, c'était un lutteur, et il s'entendait de lui-même à combattre ses faiblesses, assez rares, qu'il regardait comme des lâchetés. « Mon cher Verdot, en vertu de l'adage qui dit qu'il faut battre le fer quand il est rouge, et si vous ne répugniez pas à une expédition nocturne, nous viendrons faire un tour ici ce soir. J'ai idée que nous ne perdrons pas notre temps. » « Je suis volontiers noctambule, » affirma Verdot. Les deux amis rentrèrent à Vierville, où ils remisèrent la limousine et prirent pension dans un hôtel. Ils s'y firent passer pour des photographes chargés de découvrir et de fixer, sur des plaques, les beautés du pays. Cette fable leur assurait une grande liberté d'allure. Ils déjeunèrent copieusement, en vue des fatigues qu'ils auraient peut-être à surmonter, puis ils annoncèrent froidement au patron qu'ils avaient médité, tout en gardant leur chambre, d'aller coucher à Port-en-Bessin pour photographier le bourg et faire avec un pêcheur une promenade en mer. L'heure qui suivit fut remplie par l'étude de la carte, par la rédaction d'une longue lettre à Le Sautaire, et tout aussitôt après, les deux jeunes gens s'en allaient rôder autour de ce château du Hoc, vers lequel allait se tendre toute leur énergie. Afin d'éviter les soupçons, ils décidèrent d'aborder le château par la mer. Après avoir traversé une énorme étendue de gros galets roulés, passé devant d'inquiétantes grottes pleines d'ombre, ils trouvèrent enfin, au fond d'une baie caillouteuse, à 10 mètres de la plage, une sorte de grossier escalier qui grimpait au flanc gris de la falaise verticale. Mais pour en atteindre les premières marches, il fallait s'aider d'une corde retenue à la muraille par des crampons de fer et profiter, en y posant les pieds, des trous ou des saillies, œuvre de la mer ou peut-être des pêcheurs. Quand ils atteignirent le sommet de la falaise, ils étaient à peine à 50 mètres du château. Celui-ci, sorte de grande masse de pierre, se dressait en longueur face à la mer. Derrière lui, un peu en retrait et de chaque côté, s'élevaient des pavillons bas, écuries, remises et peut-être dortoirs pour l'armée insolite des serviteurs. C'est assez curieux, dit Verdot. Malgré le style gothique de ce que l'on peut voir de cette construction, le bâtiment principal est couvert en terrasse. Oui, répliqua son compagnon, et cette terrasse n'a pas de balustrade. On dirait, ajouta Verdot, une terrasse d'atterrissage. Escander le regarda d'une étrange manière. Les deux compagnons allèrent jusqu'au mur d'enceinte, très haut. Escander, aidé par Verdot, put jeter un coup d'œil par-dessus le faîte. Mais son examen fut court, car il craignait de se dénoncer à l'œil attentif de quelque espion. Tout ceci, dit-il à Verdot, a un drôle de caractère. Tout ce qui reste du vieux château est admirable, mais les réparations qui y ont été faites sentent le provisoire. De plus, les communs sont énormes. Nous reviendrons ici cette nuit. C'est très curieux, vraiment très curieux. Dans le regard de son compagnon, Verdot revit flamber toute son énergie habituelle, et bien qu'il fût moins confiant dans le succès, il se mit à l'unisson. « Je crois que demain nous serons en mesure d'offrir un excellent déjeuner à cette chère mademoiselle Laurière. »« Puissiez-vous dire vrai ?» dit Escander en lui posant la main sur l'épaule. Verdot eut un sourire heureux. C'était la première fois que le pauvre garçon souriait. Mais il avait une telle foi dans son ami, il le savait si clairvoyant, si audacieux, que lui, naguère si découragé et si plein de pessimisme, sentait déjà la certitude du succès poindre à l'horizon. Depuis tant de temps qu'il était muet, cela ne pouvait durer, et tout en cheminant aux côtés de son ami, il se mit à siffloter l'air de la patrouille des chevaliers du guet.